LZ. Furaz ela com. Ok, yo. Dans ce monde de façade, il faut plaire à tout le monde. On me demande de grossière de pousser la vente. Je m'entraîne pour la course du pont de l'autre monde. Le trône est quelque chose et t'as manque de quelque chose. Si t'as rien compris, va toucher les pauvres. Ton assiette remplie peut remplir le bide de 5 bambins dans ces blagues du tiers monde. Que l'homme de science me reprend si je me trompe. On n'emporte que dalle à part ses œuvres dans sa tombe. A chaque mixtape, c'est comme on Zebda album, ni le rap de New York, c'est comme ma troisième piole. Dans ce move factice, y'a plus rien à comprendre. Dans ce move factice, j'peux compter sur personne. J'suis comme ce jeune yatim qui sera jamais des vôtres. Ouais, qui sera jamais des vôtres. J'veux pas cette maladie, ce syndrome de l'idole. Où Dia m'attire dans sa jungle d'Amazon. J'évite ses vices jusqu'à trouver ma lionne. Bien dans le même monde où tout nous sépare, où rien nous rassemble, où tout est fait pour qu'on perde l'innocence. Ouais, Free Rise 2011. Oh.